Alors, donc dans cet atelier du mois de septembre, de début septembre, je vais commencer à lire le code rendu. Donc déjà, à l'époque, on était dans l'hésitation. Donc après quelques hésitations, on s'est centré sur la judicieuse proposition du modérateur sur la question des droits. Alors, quel droit dans la société idéale? Des participants, participantes commencent à évoquer des droits qui ne leur paraissent pas assez pris en compte aujourd'hui. Droits des animaux, droits inaliénables que je mens. Un participant parle du droit à la vie. Faudrait-il interdire la consommation de viande pour préserver la vie des animaux? Quelqu'un fait remarquer que les droits sont des privilèges et qu'il faudrait mieux chercher à éveiller d'abord notre niveau de conscience des uns et des autres. Il faut aussi penser les droits de la collectivité et pas seulement en rester aux droits individuels pour mieux prendre en compte nos biens et besoins communs. Quelqu'un mentionne le revenu universel comme un droit souhaitable. Celui de ne pas travailler ou de travailler, trut-il autrement sous les formes classiques du travail salarié? D'où une question fondamentale, est-ce qu'on recevrait un revenu supérieur selon ses compétences? Le salaire minimum nous met à la merci du capital, alors que la possibilité d'avoir accès aux moyens de production, au savoir et aux ressources vivre décemment. Qui dit droit dit aussi pouvoir de légiférer, de dire le droit, nécessité de disposer de contre-pouvoirs solides pour éviter toute dérive. On évoque alors le droit de voter, un droit civique selon un participant qui devait être plutôt un devoir. On soulève la question du droit à la propriété. À partir du moment où on décide qu'on devrait avoir tous un accès égal aux biens naturels de notre environnement, au logement, etc., que devient le régime de la propriété privée? Faut-il l'abolir? Le régime de la propriété lucrative à celui de la propriété d'usage? On avait cité Bernard Friot. Je ne possède rien définitivement, seulement tant que j'en ai le besoin. Exemple, un logement vacant peut être utilisé par tous celles ou ceux qui en ont besoin. Songez à abolir le droit de la propriété intellectuelle qui limite le partage du savoir dans le silage des commoners sur le net, par exemple. On ne profite pas ou peu ou pas aujourd'hui dans les sociétés capitalistes avancées des richesses qu'on produit soi-même, voire jouir du fruit de ses mains sans arrière-pensée. On décide que la propriété et la question des communs est un sujet très riche qui mériterait un débat en soi. On soulève la question de l'universalité des droits, pardon, se doter de droits idéaux qui valent pour tous, partout et tout le temps. Est-ce possible? Est-ce souhaitable? La manière dont les droits de l'homme sont instrumentalisés par les pays occidentaux pour aller faire la guerre ailleurs et le fait que beaucoup de sociétés ne s'y reconnaissent pas. Mais sur certains sujets globaux, comme les ressources naturelles, il semble nécessaire de dépasser l'échelle locale pour penser en termes plus généraux. Est-ce qu'on est en train de construire les droits d'une communauté de 100 personnes ou d'un pays, voire de plusieurs millions d'habitants? Des droits locaux ou régionaux, valables pour un territoire et une communauté, mais pas une autre, selon ses besoins et le contexte local. Un peu comme le droit coutumier, non écrit, qui s'applique encore dans beaucoup de situations. Les situations agricoles, par exemple. Qui imaginait que le droit ne soit pas figé dans le marbre, mais que chaque loi, droit possède une durée de vie limitée, au bout de laquelle il est nécessaire de le réexaminer, pardon, pour voir si elle est toujours valable et nécessaire. Quelqu'un aborde le droit de. On pourrait revendiquer le droit de vivre où l'on veut sur cette terre. On évoque le droit de décider pour soi-même dans chaque entreprise. Mais n'est-ce pas précisément ce que cherche à mettre en place la loi travail avec l'inversion des normes? Quelqu'un fait remarquer qu'il faudrait s'émanciper d'abord des droits et qui sont en fait imposés. Voilà, donc ça c'était un petit peu, du coup, j'ai profité du temps mort pour nous rafraîchir la mémoire. Donc c'était le mois de septembre de l'année dernière. Je ne sais pas si. Non, Camille n'est toujours pas arrivée. Donc voilà, si ça inspire quelqu'un déjà tout ce que je viens de dire. Et après, on essaiera de passer vraiment dans le détail une fois que Camille sera là pour prendre les notes. Je sais pas si un. Ouais. Donc, moi? Ouais, comme tu veux, au pire, je vais. Ouais, je vais essayer de meubler un peu aussi. Allez, on va essayer. Après, je te donne la. Bah après moi, pour l'instant, j'ai donné juste des grosses idées parce qu'il n'y a pas notre trip qui est là. Donc, ce qui fait que pour l'instant, moi, je vais me mettre dans le large. Sur tout ce que tu as dit, pour moi, société idéale, c'est que ce qui a marqué égalité, déjà dans la devise qui s'appelle égalité, fraternité, liberté, qu'elle soit vraiment appliquée selon. Que les droits soient vraiment appliqués, comme le droit universel de l'homme soit vraiment appliqué dans le monde, que ce soit au niveau local ou que ce soit par exemple sur les migrants, que les textes soient appliqués réellement. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Par exemple, qu'on a parlé du droit à l'oubli sur Internet, que le droit à l'oubli soit appliqué aussi. Que les entreprises n'utilisent plus nos données personnelles et que ça soit interdit par la loi par toute entreprise. Que ce qui est, doit pas être reste sur Internet et voilà le droit à l'oubli. Après sur le droit, peut-être à plus manger des animaux. Moi je veux encore manger de la viande. Après je veux bien changer le mode de production à faire un mode de production sur le mode de production c'est industriel. Conventionnel où les productions sont bourrées aux pesticides, à l'insecticide, aux engrais, tout ce que vous voulez, comme ce qui est chimique et qui pourrit la terre. Donc je suis pour avoir une production encore animale, mais après, plus production. Après, je veux dire simple, par exemple, je suis pour que les productions par exemple, de lait, c'est les vaches soient trois quarts du temps dehors, l'hiver soit à l'intérieur, parce que c'est plus pratique pour l'éleveur, mais après que le reste du temps, ça soit dehors en train de manger de l'herbe. Les vaches ont un régime herbivore strict, logiquement. Donc, c'est fait pour manger de l'herbe et du foin. Pas manger autre chose, donc je suis pour qu'on respecte plus leur métabolisme. Je sais pas, après, t'as dit quoi d'autre? Il y a quoi d'autre comme thème? Après, voilà, moi c'est assez large. Après, bon. Attends, c'est qui avait levé la main en premier déjà? Il y a toi. Oui, alors je répète, l'objectif de cet atelier, c'est de réfléchir à comment est-ce que justement on arrive à la mise en place des mesures qui nous ont été rappelées par Boris. Voilà, donc là, cette séance, une fois de plus, on essaye de réfléchir au comment. Donc c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas trop, on a des quantités, on a des dizaines et des dizaines de propositions qui ont été rassemblés donc dans les CN et de voir comment est-ce que justement on arrive à à tout ça. Moi ce qui m'a marqué là dans ce que nous a lu Sylvain là tout à l'heure, c'est la question de l'échelle. Je me répète un peu par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, mais je pense que ce serait bien qu'on ait une réflexion sur les échelles, sur l'action. L'action au niveau individuel, au niveau familial, au niveau du bloc, du maison, de l'immeuble, au niveau du quartier, au niveau de la commune, au niveau du département, de la région, de la nation et ensuite au niveau de l'international. Voilà, par exemple, la question la viande, voilà la question de la viande animaux donc qui sont massacrés industriellement pour pouvoir garnir McDonald's et Burger King et Fleury Michon et toutes les compagnies. Est-ce que c'est quelque chose on essaye de changer ça, c'est-à-dire par exemple de se dire on sera dans un monde où en effet on pourra avoir mangé de la viande, mais cette viande elle sera mangée cette viande qui sera mangée ce sera la viande d'un animal qui n'aura été comme une sorte de bien matériel mais sans âme, sans vie, voilà comme une marchandise, mais comme quelque chose qui est je sais pas comment dire, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de vie, comme si c'était juste une sorte d'objet. Comment est-ce qu'on fait là-dessus au niveau individuel? Au niveau individuel, on boycotte. Je pense que c'est la première chose à faire. Je pense que dans les comment on fait, je pense que le boycott, c'est quelque chose d'important. Dans la question à l'échelle de l'immeuble, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'immeuble? On met des petits tracks pour expliquer que consommer du McDo et du Florimichon et du je sais pas quoi, eh ben en fait ça implique l'industrie industrielle de massacre des animaux à une échelle massive. On peut mettre ça dans nos on peut faire de l'information, voilà, au niveau. Après, au niveau de la commune, bah voilà, on peut penser que chose qui est de l'ordre du. Par exemple, on peut penser politique. On prend politiquement la commune, on prend la mairie, et on dit que parce que je pense que ça relève de la commune, que dans les menus. Des gamins à l'école, à la cantine, eh bien, on refuse toute viande qui provient de ce circuit, par exemple. Ensuite, il y a l'échelle nationale. À l'échelle nationale, là, on est sur des questions d'éducation, on est sur des... Pardon ? On est sur la question de l'éducation là. On est sur comment est-ce que on sensibilise la population à ces choses-là, et puis comment est-ce qu'on fait aussi vis-à-vis de tous les emplois qui sont liés à cette filière de masse d'animaux. Comment est-ce qu'on reconvertit les gens? Il faut faire des plans sociaux. Il faut réfléchir à tout ça. Et ensuite, on a l'international, et là, ça me dépasse un peu, et puis je vais passer le micro. Mais donc, c'est juste, voilà, histoire de... J'essaye un peu, j'introduis juste cette méthode, la question. Voilà, j'essaye, parce que... Mais après, chacun peut apporter sa façon de faire. Donc, je le rappelle, c'est comment est-ce que... Alors, sinon, on va peut-être prendre un point particulier... on peut demander, on peut faire un tour, il y a marqué plus ou moins les personnes, et puis on se met d'accord sur un point particulier, et puis on essaye de voir comment est-ce qu'on arrive à mettre en place cela. Merci. Donc bonjour à tous, je vois des gens qui viennent de venir. Donc je vous rappelle, en fait, ici vous êtes dans la commission éducation populaire. Là on fait un atelier, en fait, sur quelle société veut-on, de grosses questions. Donc sur cette chose-là, on a travaillé pendant un peu plus d'un an aujourd'hui, sur des thèmes particuliers où des propositions ont été faites. Et là, on réfléchit ensemble des propositions, comment on peut les mettre en place aujourd'hui dans notre société. Donc, tu veux continuer le CR ou pas? Pierre, on va... attends. Ouais. Pierre, on va... Ouais. Sinon, on va vous laisser. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous faites un signe de main et... Bon bah vas-y, on va faire un tour de table alors. Bah attends, sinon... Moi c'était juste un petit point par rapport à ce que tu disais, donc c'est pas forcément répondre à la question qui est posée là tout de suite, c'était par rapport à sensibiliser la population et par rapport aux questions des cantines et des écoles par exemple, c'était aussi déjà s'investir dans les... Il faut savoir que les menus en tant que parents d'élèves, s'investir dans les... Comment dire, dans le dispositif qui élabore les menus, etc. Donc en fait, il y a plein de choses où on peut déjà rentrer, on a la possibilité en tant que citoyen de participer au comité qui choisit les menus, etc. Voilà. Moi, j'ai pas d'envie particulière. Je trouverais intéressant d'étudier ce dont tu parlais. Liberté, égalité, fraternité, d'où ça vient, surtout ce que ça veut dire, parce que c'est des termes tellement vagues que chacun peut se l'interpréter à sa façon, et du coup t'en fais un peu ce que tu veux en fait. Donc ça, c'est pour moi dire ouais, il faudrait que ce soit en fait je pense que justement il y en a qui s'en servent très bien aujourd'hui, donc voilà. Concernant liberté, égalité, fraternité, je crois que ça revient à la question de comment appliquer les droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a des droits de l'homme universels, mais qui ne sont pas appliqués. Et ça rejoint le sujet, comment appliquer les personnes qui ont fait les droits de l'homme, notamment en France, que ce soit Robespierre, Mirabeau, etc. Enfin, toute l'histoire de tous les héros de la Révolution française, ils ont plusieurs constitutions, et l'objectif, c'était de changer le monde déjà à cette époque. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a des grands principes constitutionnels qui ne sont pas appliqués. Maintenant, pour revenir à la question du jour, concernant l'applicabilité, le comment et les idées, je pense qu'il faut partir de deux idées, deux points. C'est soit on va passer par une forme de coercition, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on a une idée et on va l'appliquer de façon coercitive. Deuxième option, on va utiliser le consentement. Et moi, personnellement, je pense que le consentement est préférable. C'est pour ça que, par exemple, dans les droits de l'homme, il y avait des propositions qui déplaisaient, notamment aux Girondins, sur les questions des droits de propriété. Donc, ça a créé des émeutes. Donc, je pense que la phase numéro 1, c'est vraiment déjà de défendre nos idées, le consentement de la population. Ça, je crois que c'est la phase numéro 1. Donc, ça passe par un travail de communication, de culture, d'échange, etc. Et ensuite, quand il y aura une masse critique de consentement, alors à ce moment-là, je pense que la phase communication trouvera un bon accueil et une bonne réalisation concrète. Moi, j'ai deux petites observations, mais qui un peu d'ordre général. La première chose, ce qui m'a frappé, j'avoue, pour être honnête avec vous, j'aime pas du tout cette expression de société idéale. Moi, j'aime bien la société de conflit, la société de la guerre, la société où on débat, la société où on n'est pas d'accord, la société de défiance et de la défiance, ainsi de suite. J'aimerais bien vraiment définir qu'est-ce que vous mettez dans cette boîte noire de la société idéale. La deuxième chose, pardon. La deuxième chose, vous avez l'instant, mon voisin à côté a parlé du consentement. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de droit sans parler de devoir. Sur la liste, mais il n'y avait pas de devoir. À la limite, moi, ce que je vous propose, dans cette société idéale, d'inscrire à l'échelle locale, de chaque citoyen, il a une obligation de participer à un débat ou s'il est tiré au sort, il y a une obligation de participer à la cité. Donc, c'est Sartre qui disait, je pense, dans Lettre et le Néant, qui disait ceci, il n'y a pas le droit est respecté quand il y a des devoirs, au fait. Donc, le devoir de participation, le devoir de présentéisme à l'échelle locale, et le devoir de l'éduquer, au fait. Voilà. Par exemple, sur les tirages au sort, comment le faire? C'est quelqu'un qui travaille. Tout ça s'organise, au fait. Mais si on le rend comme un devoir, on peut réfléchir à des actions à l'échelle locale, comment on peut le faire? Moi, de mon côté, vis-à-vis de... Je comprends l'idée d'idéal, d'utopie, de... Pour moi, ça a du... l'idéal, tout comme ça a du sens le fait de dire je n'ai pas d'idéal, je ne sais pas pourquoi je vis, je ne sais pas ce que je fais ici. Après, le mot société idéale, ce serait l'idéal qui correspond à la société. Bon, je n'ai pas dans ces... je pense que pour trouver des solutions, il y a besoin d'une stabilité. Une stabilité pas seulement économique en disant à tout le monde à accepter des très bas salaires, comme tout ira bien, faites un grand sourire. Non, quand je dis stabilité, c'est des lieux de discussion dans lesquels il n'y a pas de... quand il y a des, on va dire, conflits, ils ne sont pas de l'ordre justement de la guerre dans le sens annihilation de l'autre, destruction de l'autre. Je fais quand même une distinction entre un débat dans la sérénité où on peut être en désaccord dans la sérénité et un lieu de discussion, par exemple de situation de guerre, où on sait qu'en face l'ennemi va chercher tous les moyens de nous éliminer, de nous éliminer. Donc je fais quand même la distinction entre la nécessité qui est des discussions, des contradictions, et que ces contradictions ne deviennent pas un danger pour l'individu. Donc ça, j'appelle ça la stabilité. Donc je pense que l'un des premiers objectifs pour aller vers cet idéal, c'est comment trouver le socle, on va dire, stable, de pouvoir proposer. Parce qu'aujourd'hui, si on propose quelque chose, parfois on est en danger. On en est arrivé là, malheureusement, en France. Merci. Moi, j'étais assez d'accord avec ce que j'entendais, en fait, sur la notion de droit et d'obligation. Parce que je pense, en fait, qu'il n'y a pas de droit sans obligation. Liberté, égalité, fraternité, ça correspondait aussi à des obligations, en fait, citoyennes. Et je pense, alors on lui donne, si on parle effectivement d'utopie, de société idéale, ou de ce qu'on aimerait, ou de ce qu'on ne sait pas bien, ou en tout cas de ce qu'on ne veut plus, mais c'est quelque part quelque chose où il y a une meilleure notion en fait d'égalité et de fraternité avec les siens, avec ses voisins, avec les gens en fait qui nous entourent. Et pour ça, j'ai l'impression qu'une des premières choses, ça nécessite de faire une pause, parce que je pense que les gens sont foncièrement bons, mais que quelque part, lorsque vous courez, lorsque vous avez la pression de la société, lorsque vous avez la pression de la vie, et ben vous avez moins de temps. Et donc, quelque part, moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre une pause, regarder ce qu'on a vraiment envie de faire. Des lieux de discussion, je pense que c'est très bien et c'est ce qui permet en fait d'échanger. Mais je pense que ces lieux de discussion, ils doivent aussi rentrer dans cette notion de droit et d'obligation. Le droit de pouvoir s'exprimer, le droit de pouvoir effectivement exprimer quelque opinion, quelle qu'elle soit, mais aussi une obligation, c'est-à-dire une obligation de compte-rendu, une obligation de faire quelque chose. Parce que c'est bien d'entendre parler de laïcité, par exemple. Moi, j'entends parler de laïcité depuis 4-5 ans et aujourd'hui, on en entend toujours parler. Donc, à un moment donné, on se dit, et je trouve qu'il y a un phénomène de ras-le-bol, on se dit quelque part, on en entend parler, ça bouge pas, et à un moment donné, les gens, en fait, pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils sont énervés. À force d'entendre parler, de ne rien voir bouger, on finit par être énervé à quelque échelle que ce soit. Voilà. Merci. Alors je vais revenir sur avec la notion de société idéale. Pour moi, il n'y a pas non plus de société idéale. De la même manière qu'il n'y a pas de meilleure version de soi-même et que courir après la meilleure version de soi-même ne mène pas forcément à grand-chose. Je pense qu'il peut y avoir une qu'une autre. Pour moi, certainement, il y aura une société qui sera meilleure qu'une autre, mais faire consensus là-dessus n'a rien d'évident et qu'on n'y arrive jamais, ça me paraît même assez peu probable. Il y aura toujours du conflit, il y aura toujours du dissensus. Et je pense qu'on s'entendra vraiment jamais sur ce que c'est, de savoir si la société présente est bonne ou pas. Et rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait une stabilité pour, si je comprends bien, essayer d'obtenir une certaine sérénité du débat, en gros une fin de la lutte de classe, enfin si je fais un raccourci, ça me paraît pas assez problématique aussi, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir la stabilité? C'est circulaire, quoi. Est-ce qu'il faudrait déjà une stabilité pour obtenir la stabilité? Est-ce qu'il faudrait un problème se pose pour obtenir de la même manière, ça me paraît très très problématique et très idéaliste d'imaginer qu'il pourrait y avoir un jour cette stabilité nous arriverait comme ça, sans qu'on... Enfin bon, je sais pas trop quoi rajouter. Ouais, bah merci. Parce que déjà, on a entamé un début de discussion. Et quelques pistes. Effectivement, sur le côté devoir, après j'assume complètement ce côté utopiste. Mais du coup, est-ce que ce côté devoir, en fait, ne devrait pas être, entre guillemets, un espèce d'acquis ou quelque chose qui se fait de façon très naturelle, comme ici, quand on peut monter des qui viennent nous aider, ou des choses comme ça, et que finalement, sans forcément qu'on le demande. Alors après, effectivement, comment on en arrive là? Pourquoi certains le font sans qu'on leur demande rien, le font pas et ne feront jamais rien? Où regarderons-nous? Là, ça, c'est... Alors après, est-ce qu'il faut dire que c'est une question d'éducation? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que c'est aussi c'est une question de ne pas avoir l'habitude ou, entre guillemets, de ne pas le savoir? Et on l'a dit souvent ici, quand même, une... Malheureusement, on devient de plus en plus dans une... Enfin, on est dans une société très individuelle aussi. Et donc, comment sortir de cet individualisme? Et là, effectivement, après, bah, ça rejoint un peu le sentiment... parce que oui, il faut qu'il y ait, entre guillemets, des gens qui soient d'accord sur au moins une base pour que ça avance. Même si le consentement, faut faire aussi un petit peu attention, parce que bah, du coup, ça veut dire que tu es prêt à mettre certaines choses de ses pas. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Le débat est ouvert, hein, vraiment, là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, et c'est peut-être pour ça que le devoir n'est jamais vraiment... En fait, le nom n'est pas ressorti, mais dans d'autres ateliers, le tout premier sur les droits, il y a des choses, des idées qui vont dans ce sens, qui sont sorties en tout cas. Mais je trouve ça très intéressant en tout cas sur le premier tour de table. Et juste pour revenir en fait un petit peu à ce qu'on disait, c'est quand on disait il faut aussi penser les droits de la collectivité, pas seulement rester aux droits individuels, pour mieux prendre en compte nos biens et besoins communs. Enfin, je trouve que ça colle un peu à ce qui vient de sortir un petit peu. Voilà. Mais je refais passer le micro. Donc, en fait, je veux te répondre à toi. C'est on là par rapport à Société idéale, en fait, c'est on essaie juste. Non, mais attends, j'essaie juste de te répondre à peu près et d'essayer de faire. En fait, nous, on n'essaye pas de dire, on dit aux gens, nous, ce qu'on vous propose, c'est dites-nous ce que vous pensez de la société idéale. Ce que vous, demain, quelle société vous voulez qu'on vous donne pour demain. Et de toute façon, c'est sûr qu'on appelle que tout le monde la donne, parce qu'on sait que de toute façon, tout le monde n'a pas la même opinion. Donc, on veut que tout le monde ait la pluralité, qu'on réfléchisse ensemble. Si on peut pas se mettre d'accord, si on peut pas avoir du consensus ou des choses comme ça qui se mettent en place. Pour que tout le monde soit content et que tout le monde soit heureux dans la société de demain. Après, qu'est-ce que je peux parler? Donc voilà. Tu veux, attends. Oui, alors, moi j'ai retenu un truc, j'ai retenu deux choses du tour de table un peu, parce que je suis dans la matière un peu à la méthode, parce qu'on a, on a une quantité de propositions, et donc j'aimerais bien qu'on réussisse à en faire le tri. Je retiens deux choses, c'est que ce que tu as dit, c'est important, c'est-à-dire que il faut d'abord initier un changement, il faut bien qu'on ait quand même un accord commun, c'est ça, que les gens se disent bon oui ça va mal, enfin ça va mal, ça va pas bien, ça pourrait aller mieux, il faut faire un effort. Et on est une majorité à vouloir changer nos pratiques quotidiennes, notre façon de faire, nos idées, de nous projeter dans un autre imaginaire et autres, ce que déjà pas mal de gens font, et je pense que ça se développe plus ou moins. Et après, ce de monsieur aussi qui a parlé de la question des devoirs et du fait et la question de la contrainte, c'est qu'à un moment donné, si on veut construire ce nouveau monde, cette société qu'on veut, il faudra bien de la société qu'on veut. C'est pas seulement on a droit à ci, on a droit à ça, et puis on peut faire ci, et puis on peut faire ça. Non, il y a des devoirs. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de réfléchir à la fois sur comment on fait passer ces différentes projections de la société qu'on veut pour qu'il soit le plus largement partagé. Et une fois qu'il est le plus largement partagé, comment est-ce que on procède? Qu'est-ce qu'on propose aux gens une fois qu'ils sont d'accord pour dire voilà, maintenant les règles, les devoirs qu'on se donne, eh bien, ce sera ci, ce sera ça, ce ne sera pas ci, ce ne sera pas ça. On abandonne tel devoir, mais on les remplace par d'autres. Ou là où il y avait des devoirs, eh bien, on retire tout, on laisse la liberté totale. Mais là où il n'y avait rien, où c'était le règne de la liberté, eh bien là, non, on impose des... voilà, c'est ça un peu ce que j'ai retenu. Et je pense que la question de réfléchir à ces choses-là à différentes échelles, ça peut aussi un peu nous aider. Après, il y a beaucoup de règles déjà. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours respectées. Enfin, on revient à liberté, égalité, fraternité. Enfin, il y a plein de règles qui existent, mais qui ne sont absolument pas... Non, mais il y a plein de... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de cadres. Il y a un cadre qui est déjà établi avec plein de choses qui ne sont absolument pas respectées. Donc déjà aussi, c'est... Et pouvoir faire en sorte que quand c'est pas respecté, il y a une forme de sanction ou pour que ce soit plus respecté, quoi. Autour, je vous invite à vous rapprocher si vous voulez, on mange pas. Tiens, c'est non. Alors, juste en deux mots parce que j'ai beaucoup parlé avant, mais par rapport à ce que tu viens de dire. Nous on part à Barcelone là, on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas puisque c'est une personne de Barcelona en Comú et c'est issu du 15e et du collectif qui aide les gens à retrouver un logement après les expulsions dont ils sont victimes par les banques et ils ont fait un gros travail au niveau local et un gros travail d'écoute déjà des gens sur place et écouter ce qu'ont les gens à dire, et un petit peu comme ce qu'on a fait ici, mais alors pas que sur la place de la République, mais partout dans les villes, parce qu'il n'y a pas qu'à Barcelone que ça se passe, signer justement ce que les gens avaient à dire. Et je trouve ça, entre guillemets, alors après je sais pas hein, si c'est la panacée, mais déjà ça pourrait être un truc très très intéressant à faire. C'est une très bonne chose, comme ça tu pourras me répondre, Atman, après. Mais je souhaitais revenir sur ses droits et ses devoirs et cette espèce de confus. Déjà, quand on dit j'ai un droit, on crée un devoir. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Si on crée des droits, on crée des devoirs. Pourquoi est-ce que quand on dit moi j'ai des droits, je crée un devoir? Parce que je crée le devoir d'un autre de respecter mon droit. À quoi ça sert de dire ah bah oui, on a des devoirs? De toute façon, si on crée des droits, on crée le devoir de la respecter ses droits, on crée le devoir de la police de respecter ses droits, on crée le devoir de chacun de respecter ses droits. Donc, plus on crée de droits, plus on crée de devoirs. C'est une colle, là. Non, mais vraiment une colle comme... En fait, Bourdieu disait qu'il y a des moments quand il y a un discours, on ne peut pas le critiquer, mais c'est tellement normal qu'on ne peut rien t'ajouter au fait. Moi, j'essaye d'être un peu rationnel. J'essaie d'être un peu pragmatique et rationnel. J'imagine que la société idéale, c'est pas tout de suite. Processus. Il y a un processus. Dans une société idéale, comme le groupe et cet atelier le pensait, ça veut dire... Tout le monde a intégré cette notion de société idéale. D'accord. En fait, là, on ne l'a pas tous intégré. Je vous assure, moi, comment je me bagarre avec la maîtresse de mes enfants, parce que moi, je ne mange pas de viande, mes enfants ne mangent pas de viande, dans sa tête, c'était, comme j'ai une tête de musulman, dans sa tête, c'était l'islam. C'est pas parce que je suis végétarien. Donc, en fait, mais vraiment, il y a deux individus, d'adulte à adulte, on n'arrête pas à ce que c'est mon droit de ne pas manger cette viande. Alors, je reviens au cœur du sujet, en fait. Moi, je pars du principe qu'il y a deux cultures dans ces sociétés, quelles qu'elles soient. À savoir la société de l'ultramontane, la société idéale. C'est-à-dire, il y a ce qu'on pourrait appeler une culture prescrite, c'est-à-dire les institutions, l'école, la République, ainsi de suite, la rue, la place de la République, nous donnent une culture. Et puis, il y a une autre culture qui s'appelle la culture inscrite dans le corps, en toi, ainsi de suite. Tu respectes du droit, tu ne peux pas y aller faire pipi là-bas, tu ne peux pas marcher tout nu, parce que tu as un cerveau, ainsi de suite. D'accord ? Et puis, une autre caractéristique de toute société, de toute culture, c'est une société qui marche, qui fonctionne avec des traces. Parler de droit écrit comme ça dans une constitution, dans cette nouvelle constitution par exemple, sans parler de devoir. Une société idéale, elle a besoin de traces. Et sa trace, elle sera, il y a le pile et le face, le droit et le devoir. Autrement dit, un droit ne peut pas être comme quelque chose qui est déjà là, immuable, tout le monde le connaît, ainsi de suite. On ne peut, il faut l'inscrire quelque part. Il faut l'inscrire pour le faire respecter, pour le faire, pas le respecter, je le mets entre guillemets, mais pour faire ramener ces gens à ce droit. Alors sur la question des devoirs, alors c'est vrai que c'est bon là, pour moi ça me renvoie aux questions juridiques au niveau des constitutions. Et ce que je ressens, c'est que en française, l'organisation sociale était essentiellement fondée sur des lois de devoirs. Les gens n'avaient quasiment pas de droits, ils avaient que des devoirs. Alors je pense bien évidemment à toute la phase de l'esclavage, toute la société féodale, où finalement les citoyens lambda n'ont quasiment pas de droits. Ce sont des sujets, c'est même pas des citoyens. Et ensuite, avec l'avènement de la Révolution française, pour la première fois, avec notamment la valeur de la liberté, la valeur de l'égalité des droits, donc là, il y a la notion de droit qui apparaît. D'autant que dans la première constitution française de 1789, qui est quand même d'inspiration anglaise, il y a les droits, bon, il y a déjà des droits, hein, l'article premier, mais là où véritablement les droits vont prendre leur place, dans la constitution qui n'a jamais été appliquée d'ailleurs, qui est la constitution de l'an 1 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. Et là, pour la première fois, par exemple, il y a un droit à l'emploi. Parce que jusqu'ici, on a le droit de travailler. Donc on nous dit qu'on a tous le devoir de travailler, mais il n'était pas inscrit qu'on avait aussi un droit à l'emploi. Donc ça pose un problème. C'est-à-dire que si on nous dit, vous devez travailler, d'accord, sinon vous n'avez pas de subsistance. Vous allez à la NPO, on vous dit travaille pour vous, monsieur. Là, vous dites, mais je comprends pas, on me dit que je dois travailler, et puis vous me dites qu'il n'y a pas de travail. Alors comment je fais? Ah bah, écoutez, débrouillez-vous. Et donc là, on a mis dans la Constitution, si on a un devoir de travailler, il faut que, de façon équilibrée, on ait aussi un droit à l'emploi. Et bien, figurez-vous, est un droit constitutionnel, qui est dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est l'alinéa 5 de la Constitution. Et pourtant, il n'est pas du tout appliqué. Donc on voit que, effectivement, il faut mettre des devoirs, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut aussi faire appliquer les droits. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème actuel, c'est que les droits constitutionnels ne sont pas appliqués. Voilà. Donc c'est, mais malgré tout, je suis d'accord par rapport au devoir que c'est très important, notamment par rapport à la solidarité et du solidarisme, qui est quand même une création française de Léon Bourgeois et qui repose sur le fait que on a tous un devoir d'aider le prochain qui est dans la peine, mais qu'on a aussi le droit, si on se retrouve nous-mêmes dans la peine, de demander de l'aide au prochain. C'est ça qui a rendu possible le salaire minimum, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que la question des devoirs est très importante, je suis d'accord, mais que aujourd'hui, je crois que le problème, c'est beaucoup plus de faire appliquer les droits que de faire appliquer le devoir. Parce qu'on est aussi passé dans une... On n'est plus dans la société kantienne, avec le « tu dois », on est passé, comme dit Nietzsche, au « je veux ». Et les gens, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont très dans le « je veux », ils ne sont plus dans le « je dois ». Voilà. Tu voulais parler de ça ? Tu voulais parler ou pas ? Ah non, c'était bien toi. Salut. Bah en fait, je sais pas quoi dire parce que vous... j'ai envie d'être l'emmerdeur. Vous parlez de... Mais en même temps, est-ce que ça nous est accessible réellement de parler de toutes ces choses? Est-ce qu'il serait pas vachement plus terre à terre de parler de ce qu'on est capable de faire? Avouer de... Bah, nos faiblesses, nos capacités, est-ce que nous, en tant que citoyens, on est... Grâce à Nuit Debout, en fait, avant, je foutais rien. Très clairement, je pensais pas à grand chose à part mon salaire, retrouver des amis dans des bars et puis voilà. Nuit Debout, ça m'a apporté la chose qui me manquait. C'est pas faute d'avoir des convictions que je ne faisais rien, c'est juste que je n'avais pas, je ne savais, à moi aussi de pouvoir faire quelque chose. Je savais pas que je pouvais être acteur du changement, je savais pas que je pouvais m'investir. Donc c'était l'accessibilité. Et finalement, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire et j'ai arrêté de croire que les choses viendraient d'en haut. Viendraient de grandes lois, généralement elles suivent la société c'est les citoyens, donc les lois elles suivent vraiment les citoyens, ça dépend de ce qu'on fait et c'est à nous. Il y a des tas de choses que l'on peut faire. Je voudrais juste dire, si par exemple le 19e siècle avait été le siècle du productivisme où la machine est arrivée, on a produit machin, le 20e celui du consumérisme et de la mondialisation. J'ai franchement l'impression que le 21e est celui de la collaboration. On voit des tas de signaux maintenant où effectivement le boulot s'est précarisé, on embauche vachement plus en entrepreneuriat, enfin auto-entrepreneur, contrat à durée déterminée, enfin bref, les Uber, les... Donc voilà, on sait de quoi sera fait demain. Et... En fait, je sais pas où je veux en venir. Les droits dont vous parlez, elles sont juste humaines. On les connaît depuis des années, quoi. Couper un bras à un mec, c'est pas sympa, quoi. Voilà. ça va pas plus dire. C'est concrètement. Je pense que il y a matière. On a tout. Il y a des gens qui sont là depuis des années, qui ont fait des expériences. Que ce soit la monnaie locale, que ce soit là en ce moment, on voit les espaces partagés, les tiers-lieux, ou des nouvelles formes d'économie et de salariat qui se créent. Uber, même si malheureusement leur système politique et financier est pas très très louable, mais n'empêche, ces nouvelles formes d'économie et de salariat, il y a matière à faire. En fait, on a tout. Il y a juste à la rendre cohérente et à la faire. Au-delà de parler de loi, de changement, ça nous suivra. Ça dépendra. Voilà. Donc, à notre niveau, qu'est-ce que vous imaginez être capable de faire une fois qu'on se sera levé d'ici ? Merci. Qui veut prendre la parole ? Moi, je voudrais dire que assis en rond sur la place, c'est déjà du travail. Donc, faut pas dire ce qu'on fera demain, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, moi je suis parti d'APUG, appel pour une gauche debout. Je vous rends compte de mes contacts. Je le fais parce que c'est, pour moi, c'est, ça fait partie. Je sors pas du sujet. J'ai contacté la fédération du PCF, ils m'ont toujours pas répondu. J'ai contacté la du PCF 14. Allah, ils m'ont répondu. On va avoir un entretien dans la semaine. J'ai contacté France Insoumise Locale 14e. Il paraît que la direction de France Insoumise Locale fait de l'obstruction vis-à-vis de ses propres. C'est-à-dire que le patron arrive plus à contrôler ses troupes. Alors ça, je trouve que c'est un bon point pour eux. C'est tout pour l'instant. Ouais, mais justement, est-ce qu'on peut pas sortir de tout ça en... Moi, c'est ça qui me pose... parce que c'est vrai que là, du coup, on est parti sur les droits, les devoirs, et c'est des trucs, oui, effectivement, qu'on connaît depuis un petit moment. Il y a même des chansons sur ça, etc., etc. Et finalement, ça me rappelle un truc que j'ai entendu d'un jeune qui me disait « Mais moi, la crise, je sais pas ce que c'est. Depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né, c'est la crise. Donc, en fait, la crise, c'est ma vie. » Donc, est-ce qu'on peut pas faire... Voilà, pas autrement ou différemment, parce qu'on fait... Alors, je sais pas, certains appellent ça de la désobéissance civile. Moi, je sais même plus ce que ça veut dire, parce que ça devient mon quotidien. Donc, peut-être que je suis un des désobéisseurs sans le savoir. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'il faudrait devenir aussi. En toute mais c'est vrai que... ouais, on avait parlé en rigolant un peu du code des pirates, de Pirates des Caraïbes, pour vous dire qu'on est aussi très dans la culture populaire. Mais c'est... Je sais pas. Mais c'est encore une, enfin utopiste, parce que le côté, enfin société idéale, en fait, on a mis ça parce qu'on savait pas trop quoi mettre et c'est sorti comme ça. Et il fallait bien mettre quelque chose. Mais finalement, le vrai titre, c'était quelle société veut-on. Après, je reviens vraiment sur cette idée, c'est qu'effectivement, hormis ce qu'on connaît déjà. C'est le dialogue. Il faut reprendre ce dialogue qui a été partiellement commencé ici. Mais et si on reprend pas ça, et moi il y a quelque chose qui est important, et quand j'entends fraude gauche, unité de la gauche, je sais même pas ce que ça veut dire la gauche maintenant, debout, machin, assis, on s'en fout. C'est enlever toutes ces étiquettes en fait. Parce qu'au bout d'un moment, quand on enlève les étiquettes, plus que des hommes et des femmes, et on peut discuter ensemble. Et déjà, il y a ces barrières qu'on se met, mais psychologiques, mais de ouf. Hein. Mais il faut arrêter avec tout ça, en fait. Et tant qu'on n'aura pas arrêté avec ces barrières psychologiques, moi, je pense que ça va être... Et ça fait des années que c'est comme ça, en France. Ça fait des années. On avait presque réussi quelque chose à Nuit Debout. Maintenant, on voit ce que ça donne. Tout et ça repart dans tous les sens, tout le monde est dans son coin, tout le monde défend son... Et je trouve ça vraiment dommage. Et au bout d'un moment, faut se poser, se dire les choses sereinement, calmement. Et là, ouais, je pense qu'on pourra commencer à bouger. Mais tant qu'on arrive... Enfin, je pense, hein, après c'est peut-être super défaitiste, hein, parce que j'ai réussi ça, on sera toujours dans ces petites guéguerres à droite à gauche, de gauche debout, de droite debout, de machin, d'extrême, de trucs bidule, chouette, voilà. Et toutes les terminologies qu'on peut... De toute façon, maintenant, voilà, quand on dit on marche en manif, on vous regarde des yeux de travers. Quand on dit debout, on vous regarde des yeux d'à côté. Donc, bref, qu'on foute le feu à tout ça. Enfin, le feu, physique ou... Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est si on n'arrive pas à faire ça, ça va être très compliqué. Merci. Alors... En plus de tout, enfin de ce que j'ai entendu, parce que j'étais pas là au début, c'est-à-dire ajouter quelque chose, hein, enfin deux choses, c'est le plaisir et la réciprocité. C'est-à-dire c'est ce qui se passe mal d'endroits en France, mais par exemple à Montreuil. Tu peux te mettre à l'écart, j'aime bien voir. Mais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois ici aussi, c'est de d'imaginer des ordinateurs, des téléphones, tout ce qu'on veut pour communiquer avec des listes, des offres et des demandes de services, de savoirs, d'objets, de réparations, de tout ce qu'on veut. Et les gens, ils ont ils ont besoin de voir quelqu'un, c'est-à-dire simplement boire un coup, un café, etc. Et en voyant des offres, on dit ben moi tiens, je pourrais faire ça parce que ça me plaît, je pourrais, je sais pas, bricoler la voiture de quelqu'un, pas parce que c'est mon devoir, c'est parce que ça me plaît, j'ai envie de le faire, je le fais pour moi, je peux le faire pour les autres aussi. C'est pareil pour jouer de la musique, pour n'importe quoi. Et comme j'ai des trucs aussi, il y a des trucs que j'arrive pas à faire tout seul, et ben je demande l'aide de quelqu'un. Et c'est, je sais pas si c'est un devoir ou comment on dit, un droit ou un devoir, voilà. Mais ce que c'est que c'est un plaisir. Et je crois que c'est ça le vrai lien social, citoyen, etc., etc. Et le reste, bon, chacun fait ce qu'il veut. Merci. Oui, alors voilà, je rappelle là pour discuter de qu'est-ce que c'est que la société idéale. On est en train de réfléchir de comment penser les moyens d'atteindre cette société. Donc là, je pense qu'on est plus dans le concret et bien que ça ne m'intéresse pas trop, oui, on peut parler de la politique, de dire, voilà, cette société idéale, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va nous amener vers cette société idéale? On peut en parler. Bon, voilà, moi, j'y crois pas forcément. Mais après, je pense qu'on a, on est parti à parler à un moment donné de droits et de devoirs. C'est quelque chose qui est assez important et qui est revenu dans différents ateliers. Alors j'essaie de me remémorer un peu ce qu'on a pu dire ces dernières semaines, ces derniers mois. Bon, il y a deux choses qui me sont parues extrêmement importantes. C'est la question du droit, enfin de la justice, c'est-à-dire qui définit le droit et comment est-ce qu'on pense le droit, les devoirs. Est-ce que c'est quelque chose qui est écrit et avec derrière une force armée qui l'impose avec plus ou moins de violence? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est plus implicite, qui est plus porté par les individus et qui passerait par donc l'autre chose qui me semble extrêmement importante, c'est la question de l'éducation. Et je pense que voilà, on a des réfléchir à l'éducation. Comment est-ce que l'éducation peut porter telle ou telle proposition pour la société qu'on veut. Alors après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Oui, chacun. Je sais pas. Là, il faudrait qu'on ait d'exemples. Là, ce serait bien de reprendre quelques exemples concrets. Moi, j'aimerais bien qu'on passe à ça, qu'on prenne un exemple concret et qu'on réfléchisse tous ensemble sur comment est-ce que on parvient à cet élément constitutif de la société qu'on veut. Et je pense que réfléchir du droit. Sur comment est-ce qu'on l'inscrit ou on ne l'inscrit pas, comment est-ce qu'on le fait accepter par la population, enfin par la plus grande partie de la population, et ben je pense que ça ne passe que par une seule chose, c'est l'éducation. Alors l'éducation que vous voulez, mais c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, réflexion sur le droit, sur l'éducation. Alors il y a peut-être d'autres choses qui viendront et... Et voilà, et puis je répète encore une fois, je pense que c'est bien de procéder par individu, communauté, commune, village, département, national, international. Ouais, t'as eu un exemple concret d'éducation, là, notre ami vient de parler, ce qui est appelé un peu les tiers-lieux. C'est ça, c'est des lieux, alors soit c'est des personnes avec des compétences différentes qui viennent, et qui ouais, soit c'est des personnes avec des compétences différentes qui viennent se réunir, qui s'échangent, soit ils ont des intérêts différents. On a le lab de Renault, le lab de Pôle emploi, enfin il y a des trucs comme ça où t'as le mec qui construit la portière, celui qui fait l'économie et le client qui se pointe pour développer des choses. Mais c'est une forme d'éducation, c'est de la forme d'éducation. On a essayé avec maintenant, ça n'a pas marché aussi, de faire venir les gamins sur des potagers pour les faire mettre les mains dans la terre et que les légumes se retrouvent dans les écoles. Bon, voilà, ça plaît, mais ça, bon, ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché, on continue, on verra. Moi, j'ai vraiment envie d'être pour être terre à terre, quoi. C'est vraiment être terre à terre. Il y a une galaxie d'acteurs qui font des choses super. bien avant nous, qui ont une expérience extrême sur certains points. En fait, ils ont déjà tout prouvé, prouvé la viabilité de leur action et puis des années. Va savoir, on peut se demander, mais pourquoi ça ne prend pas quand je disais que le 21e siècle, pour moi, c'est vraiment un siècle de collaboration, je ne crois pas qu'il y a une loi ou un intérêt commun qui faudrait estampiller, certifier, et voilà, ça conviendra à tout intérêt différent. Mais par contre, on est capable, effectivement, de se regrouper dans le seul et unique avantage qui serait d'être heureux, quoi, de s'épanouir. Et en fait, peu importe, hein, si le banquier, lui, son épanouissement, c'est d'aller faire du gros coup. Mais tant que moi, ça ne me gêne pas. Je veux dire, où est vraiment le souci en ça? On est vraiment dans une sorte de réseau. On cherche à trouver un réseau, à s'agglomérer en éléments. Et l'exemple que tu as donné, qui fait partie des tiers-lieux, c'est un bel exemple, il y en a plein. Il y a les Fab Labs, il y a les espaces de coworking, ils essayent d'essayer de marier maintenant des restaurants avec des AMAP suivis de supermarchés coopératifs. Enfin voilà, ouais, c'est des espaces de tiers de collaboratifs. Et ça, on est capable de le faire. Au-delà d'aller estampiller une loi, une règle qui va dire bah, voilà mes droits et mes devoirs. C'est des trucs tout bêtes, mais bon, ça demande de l'énergie. Et second point, comment on le fait? Parce que le bénévolat, c'est bien sympa, mais ça n'a pas la force. Effectivement, moi, j'ai découvert la loi de Hamon, là, l'économie sociale et solidaire, 2014, et les monnaies locales aussi, c'est des pistes. Maintenant, on a la loi qui nous permet effectivement de considérer que militantisme et entrepreneuriat sont pas des choses opposées, mais on peut faire des choses donc salariés, de citoyens. Oui. Peut-être comment atteindre cette société idéale? Je remarque que Nuit Debout, c'est beaucoup une sorte de mode populaire. À une époque, la mode, c'était l'occupation des places, donc tout le monde venait sur la place pour occuper sa place. Après, la mode, c'était par exemple l'éducation populaire, donc ça y allait. Mode des réfugiés, donc tout le monde allait aider les réfugiés. Il y a eu la mode de Notre-Dame-des-Landes, il y a des modes comme ça qui sont des espèces de moteurs inconscients des mouvements populaires. Donc l'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut mettre cet idéal à la mode? Dire, voilà, on a un idéal, est-ce que plutôt que l'idéal ce soit d'aller acheter le dernier iPhone, la mode ce soit d'aller acheter le dernier iPhone, la mode ce soit ce qu'on fait là, quoi, la simplicité, un peu d'humanité, un peu d'ouverture, un peu de... Ben, alors avant de revenir au sujet, je voudrais défendre quand même l'idée d'une société idéale, parce que moi je pense que qu'on a besoin d'idéalistes en fait, et que les... aujourd'hui j'ai fait à la Révolution française, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. À cette époque, il y avait des idéalistes, il y avait des gens qui se disaient on va changer le monde, mais vraiment quoi. Et ces gens-là, les monarchies européennes les regardaient comme des extraterrestres. Et bien finalement, ils ont de ouf quoi. Donc moi je pense qu'il faut défendre cette idée d'idéal, même si il y a une part d'utopie, mais quelque part, je sais plus où c'est, enfin l'expression qui dit les utopies d'aujourd'hui sont les vérités de, enfin voilà, les réalités de demain. Je donne un exemple, par exemple l'article 21 de la Constitution du 24 juin 1793. Je voudrais juste vous lire cet article. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Pour moi, ça c'est quasiment c'est un truc divin, quoi. Enfin bon, voilà. Alors pour la question de la réalisation, j'ai lu un bouquin de Jacques Ellul qui s'intitule « L'illusion politique ». Dans lequel il nous explique qu'en fait, les politiques n'ont plus de pouvoir, en fait, n'ont quasiment plus aucun pouvoir. Et lui, qui a été maire adjoint de Bordeaux, je crois, après la Deuxième Guerre, il nous expliquait que chaque jour, devant son bureau, il avait 53 dossiers à traiter. Mais qu'en termes de temps, il pouvait en traiter que 3 maximum. et que tous les autres dossiers étaient traités par des techniciens, hein, essentiellement des énarques, des hauts fonctionnaires. Donc à partir de là, la question c'est pour changer aller le bon curseur. Est-ce que c'est le curseur politique ? Bah, vraisemblablement non. Et aujourd'hui, vous avez fait référence à des acteurs de la société civile tout à l'heure, et on voit qu'en ce moment, la société civile est en train d'émerger, est en train de prendre de plus en plus de pouvoir, et c'est à partir d'elle qu'on pourra probablement changer les choses. Tout en sachant que la France est un pays quand même très jacobin, très centralisé, très bureaucrate, et dans lequel, par exemple, sur la question de l'école, hein, les programmes de l'éducation nationale, on peut pas les toucher comme ça. Donc ça impliquerait aussi de revenir à l'idée de la commune et une sorte de décentralisation de l'exécutif, voilà, des exécutifs locaux, et dans lesquels les citoyens et la société civile puissent juste échanger des choses sans être toujours, dépendant du pouvoir central jacobin. Oui, sur la question du droit et de la société idéale, je ne sais pas si vous percevez que ici, on est hors la loi. Et ça, je peux le prouver à la cellule qui s'occupe du stationnement à la préfecture, au service d'Hidalgo. On n'a pas le droit d'être ici. Et on y est. Donc, pour ce qui concerne la société idéale, un morceau de société idéale, puisque on fait ce qu'on veut. Et moi, je pense que quand j'entends dire on balance les étiquettes, pour moi, c'est très dangereux, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que si on balance les structures, on arrive à la foule. Et aux populations sans structure. Ça peut donner aussi bien la barbarie que l'intelligence, ou les deux mélangés, j'en sais rien. Mais en tout, a pris sa place dans l'histoire. Moi, je me promène en province, ils ont tous entendu parler, même dans les forêts, même dans les montagnes. Alors, quand j'entends dire nuit debout, les gens qui disent fi des étiquettes, ça veut dire qu'ils font nuit debout, donc ils n'ont pas compris. Moi, je pense que ce qu'on fait là, c'est un travail essentiel, que personne ne peut faire à notre place, et que ces coins de place, il faut les faire partout. Et comme dit Alan, il faudrait que ça devienne à la mode, c'est une forme. Et donc, ça n'a rien à voir, excuse-moi, même si la mode est une forme. Du coup, ouais, moi je vais prendre la parole, du coup je sais plus trop, mais moi c'était pour réagir déjà à ce que tu disais tout à l'heure, toi, là, ce que tu disais par rapport au fait que chacun pouvait faire, qu'il y avait déjà plein de gens de la société civile qui faisaient des choses, et que déjà à la hauteur de chacun, on peut faire effectivement énormément de choses, enfin plein de collectifs, que ce soit, je sais pas, en tant que parents d'élèves, on a monté plein de projets avec des enfants pour promouvoir les langues du monde. Ce qu'on n'arrive pas à faire dans l'école, bah on le fait en dehors de l'école, on le fait le week-end. On organise une chasse au trésor des langues du monde avec, faut juste du temps en fait, et des gens mobilisés et du temps, et on peut faire énormément de choses en fait. Moi je pense que le fait de parler tous ensemble et de réfléchir enfin, dans quelle société on a envie de vivre, c'est utile. Mais ça suffit pas. Moi, je pense qu'après, il faut. Je fais aussi des maraudes avec une association, avec des gens qui sont en maraude tous les soirs. Depuis 10 ans, ils font des maraudes pour aller voir les gens dans la rue, etc. Bah, ils font des choses et c'est des gens admirables. Ils font ça bénévolement après leur boulot le soir. Je sais pas, à Seille de Quartier où on devait avoir un monoprix, on a lutté pendant 5 ans pour pas avoir un daily monop alors qu'on avait un monop 300 mètres au-dessus. On a lutté, on a travaillé avec les élus. On y a passé énormément de temps. On n'a pas eu de Daily Monop. À la place, on a une librairie. On va avoir un truc de quel bon goût qui est local qui fait ça très bien. Et c'est une autre forme de distribution. Mais ça implique quoi? Ça implique de se mobiliser, de prendre du temps, de pas forcément gueuler comme des ânes avec les élus parce que sinon, on n'est pas entendu. Donc, ça implique de dialoguer et de se battre, arguments, etc. Et de passer du temps et de l'énergie. Et il y a plein de choses qui sont faites un peu partout en France sur ce mode-là. Donc c'est vraiment extrêmement important de pas se dire effectivement, on va, il faut tout changer, bien sûr, il faut changer, mais pour tout changer, il faut déjà changer sur notre propre quotidien. Et ça, c'est le démarrage. Et si tout le monde le fait, bah, la société, elle change, parce que c'est nous qui la faisons, la société. C'est pas, ça part pas de là-haut. C'est, voilà. Ouais, je suis d'accord. Par contre, après, moi, toujours ma grande question, c'est comment tu, ce que tu fais, toi, comment tu le rends accessible à tous ? Parce que toi, tu as la possibilité de le faire, parce que tu es peut-être dans un quartier qui sont déjà là, tu as peut-être des groupements de gens qui sont motivés pour le faire. Mais par exemple, quand tu vois qu'à Clichy-sous-Bois, déjà, pour communiquer avec les mères de famille, il faut faire venir des traducteurs turcs, parce que sinon, c'est compliqué de discuter de l'avenir d'un enfant à la maternelle. C'est très compliqué. Je dis pas le contraire. Donc tu viens de me dire qu'il y a 50 langues. Mais c'est vrai que il y a des choses qui se font, mais faut être honnête et je serais naturel. Mais dans les choses qui se font, j'en connais beaucoup. C'est des gens qui pensent la plupart comme nous, mais on est toujours un petit peu. Alors c'est pas dans l'entre-soi, mais moi, alors je t'ai pris Clichy-sous-Bois et je te fais entre guillemets, même si j'aime pas le mot quartier populaire, parce que oui, je n'aime pas les étiquettes et je l'assume. Et c'est un mec qui a grandi et qui est né dans le 93 et qui a eu des étiquettes collées toute sa vie sur son dos. Donc je peux t'en parler des étiquettes. Mais du coup, voilà, c'est comment ça possible pour les autres. Alors est-ce que déjà il faut le marquer, parce que ok, tu fais des maraudes, mais pour les gens qui ont besoin de ce que tu leur donnes dans les maraudes, ou comment tu fais pour les gens qui sont dans la survie? Et entre guillemets, au quotidien, tout le jour, comment tu y arrives? Et bah voilà, là, entre guillemets, je pisse dans un violon, quoi, parce que même moi, j'ai pas forcément les solutions, sauf à part effectivement aller sur place, aller les voir, et comme on se le disait à Debout Éducation Populaire, bah finalement leur prêter un micro et voilà, qui parlent dans leur hall, je sais pas, dans une place au milieu de la cité, j'en sais rien. Parce que c'est des gens qui sont... Pour moi, il faut que ce soit des gens qui vivent ces situations-là, entre guillemets, qui puissent en parler et faire pire. Et là, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu je sais pas quand, enfin bref, qu'il faut le faire partout. Et ça, je suis d'accord qu'il faudrait le faire partout. Mais voilà. Et ça, est-ce que justement, ça peut pas être des gens de la société civile? C'est un peu à la mode là avec Macron un peu sur le tapis. Bon, même si Macron c'est très illusoire et il fait croire beaucoup de choses et on verra ce que ça va donner. Mais voilà, mais pas le faire dans les cafés et le faire vraiment sur le terrain. Et ça, pour moi, oui, les tiers lieux, c'est très important, justement, créer des tiers lieux dans ces endroits là qui pourraient être un espèce d'épicentre comme a pu être République pour Nuit Debout. Et pourquoi pas, voilà, planter des espèces d'épicentres un petit peu partout. Mais que ça soit avec une ou deux personnes au départ, et essayer justement de faire en sorte que ça prenne. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, souvent pendant les élections, qui vont marcher, là, Jean Lassalle, cette espèce de guignol l'a fait, d'autres l'ont fait, ils ont écrit des bouquins, etc. On les voit sur les plateaux télé, ils racontent qu'ils sont allés rencontrer les Français, etc. On a même des copains de Nuit Debout l'année dernière qui la démocratie, mais la plupart du temps, les gens leur disaient « Ouais, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas le temps ». Parce que moi, j'ai mes gamins à nourrir, parce que j'ai ma vie, parce que c'est compliqué, etc., etc. Et c'est là où il faut trouver, je sais pas, cette espèce d'embrayage dans la machine pour, bah ouais, ok, je te comprends, mais bah, peut-être que déjà, si t'arrêtes de regarder le journal de 20h pendant une heure, bah déjà, là, t'as du temps à consacrer aux autres, à la discussion, enfin, c'est des petites choses comme ça. Voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, clairement, on a... Voilà, il y a la France, bah, des gens qui se rendent compte des choses, qui créent ces lieux, sa map, etc., etc. Mais il y a encore beaucoup de Français qui sont dans le système que j'appelle capitaliste et très caricatural. Et pour les 36 000 solutions, on va pas couper la télé à tout le monde parce qu'après on va passer pour des dictateurs en puissance, mais leur montrer autrement et comment faire autrement. Et c'est là où est le grand défi pour moi. Oui, j'entends plein de choses intéressantes. Moi, en parlant de la société idéale, moi j'aimerais qu'on parle de l'humain d'abord. Pour faire une société, il faut qu'il y ait des êtres humains. Et en ce moment, on est mal en tant qu'humain. Enfin, moi je suis mal comme être. et la caractéristique, enfin, à mon avis, de l'être humain, c'est le plaisir de jouer. Parce qu'on a ça dans, on a ça dans le sang, tous on a envie de jouer, on a envie de se faire plaisir, et seulement que si on joue à plusieurs, c'est mieux que si on joue, c'est beaucoup plus amusant. Et ce que je voulais dire tout à l'heure aussi à propos de la réciprocité, c'est ça justement, que dans chaque quartier, dans chaque village, où on peut échanger des tas de choses, se mettre en commun, tout le monde est à bouffer pour que les enfants soient élevés tous ensemble, sans qu'il y ait d'étiquette ni quoi que ce soit. C'est, si on le fait comme, enfin, comme souvent j'entends, il y a un problème, alors il faut qu'on trouve la solution. Pas de problème, il n'y a pas de solution, simplement il faut jouer ensemble. Apprendre à jouer ensemble, à s'amuser ensemble, à se divertir. Et les règles vont venir toutes seules. Hein. Et vont être différentes dans chaque endroit, dans chaque groupe humain. Et elles vont changer par elles-mêmes. C'est-à-dire sans qu'on trouve, que tout le monde se creuse la tête, hein, pour trouver quelles sont les meilleures règles, quelle est la meilleure hiérarchie, qui c'est qui va commander. Etc. Et si quelqu'un se trompe de jeu, ou s'il y a quelqu'un qui triche, ouais. Quelqu'un qui triche, il faut appeler les flics. Etc. Non, c'est quelqu'un qui triche, au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'il s'amuse beaucoup moins que les autres. Il va arrêter de tricher, c'est tout bête. Hein. Enfin, quand il joue dans un tas de sable, il n'y a pas de seau ni de pelle pour tout le monde, mais tout le monde joue quand même. Il n'y a personne qui est exclu. À partir d'un certain âge, oui, parce qu'il y a le papa et la maman qui disent « Non, fais attention, il va te piquer ton seau, etc. » Au départ, ils partagent. Ça fait partie du jeu. C'est la règle du jeu. Et ça, c'est l'essence de l'être humain, à mon avis. C'est pas de résoudre des problèmes. Alors, merci. Là, on va prendre les derniers tours de parole. C'est autre chose qui est au programme. Donc on va prendre les derniers tours de parole sur cette chose-là, et après on va passer à l'autre débat. Alors, tout à l'heure il avait été question des devoirs, et là moi par rapport à ce qui a été dit juste avant, par rapport à l'indisponibilité en fait des gens pour s'engager dans la société civile ou dans des ONG ou dans faire des maraudes, etc. Et à ce titre, je pense que la société civile puisse vraiment changer les choses. Il faudrait imaginer une sorte de mandat, un peu comme les mandats syndicaux. Vous savez, où quand on est salarié, on peut prendre un mandat syndical et continuer à être rémunéré pendant son absence, durant son activité syndicale. Et je pense que pour faire en sorte qu'il y ait un droit égal à la politique, parce qu'aujourd'hui, ne peuvent faire de la politique finalement que ceux qui en ont le temps et les moyens. On l'a bien vu d'ailleurs dans les critères de sélection des candidats issus de la société civile, il apparaissait le critère de disponibilité de famille, salarié à temps plein, et que vous avez un salaire d'ouvrier, vous n'avez pas de disponibilité. Donc moi je pense que dans un principe justement d'égalité des droits à la politique, on pourrait imaginer, à partir du principe de solidarisme, droit à un mandat citoyen. On pourrait prendre du temps, une journée par semaine, pour s'engager dans une ONG, dans une activité d'intérêt général, au sein d'une association par exemple, tout en ayant une indemnité donc à notre journée de travail normale. Et je pense que ça permettrait justement de faire entrer beaucoup plus en avant la société civile dans le champ politique et de garantir pour le coup l'égalité du droit devant l'action politique. Ouais, je réagis par rapport à tout ce qui a été dit là, et je trouve ça, c'est pas la première fois que ça arrive, et je trouve ça super intéressant parce que en fait on est parti au départ des droits de manière générale, comment mettre en place les propositions qui ont été lues au début, et en fait on en vient à discuter de ce qu'on peut faire nous. Seul de notre côté. Au final, je pense que c'est ça la voie intéressante à suivre. C'est, à mon sens, une fois que tu as compris que de toute façon le changement il viendra pas de là-haut et que tu as envie d'être acteur de ta vie, bah forcément tu vas te mettre à agir ça se passe mieux dans ta vie et que les choses se propagent autour de toi naturellement. Mais le problème, c'est que tant que tu attends, tant que tu te dis que c'est les gens qui soi-disant te dirigent qui font mal les choses, leur faute si ça se passe mal, et bah tu vas continuer à croire que bah il faut que ça change en haut pour que la vie elle change. Mais en fait c'est ce chemin, à mon avis, une priorité qui se passera, pour moi c'est après je sais pas forcément, mais si ça passe par l'éducation, c'est vraiment ça, c'est de se dire que si tu veux être acteur de ta vie, on le dit souvent, hein, on est un peu dans une société de spectateurs, on est derrière notre télé, on regarde ce qui se passe, et voilà, si tu veux être acteur, fais les choses, fais bouger les choses autour de toi. Oui, alors sur l'accessibilité dont tu parlais, le jeu, effectivement, la forme ludique, c'est souvent employé, c'est un format pour rendre accessible. La réappropriation de la place publique, effectivement, ça me paraît complètement essentiel, parce que les tiers-lieux, c'est bien sympa, mais souvent c'est fermé et c'est peu accessible. Je voulais dire sur... Oui, je pense qu'on s'est tous donc rendu compte que la société civile faisait des tas de choses et qu'effectivement, c'est pas forcément visible, les gens n'ont pas forcément conscience. Il y a une ONG qui a créé un laboratoire mobile d'analyse. Quelques temps plus tard, un autre organisme a créé un laboratoire mobile d'analyse. C'est marrant, c'est que le second ne savait pas que le premier l'avait fait, le premier ne l'avait pas documenté. Et finalement... Ça c'est rigolo parce que comme s'il y avait un plafond de verre, quoi. Toutes ces initiatives là, jamais elles traînaient d'elles-mêmes de leur expérience. À chaque fois on recommence les mêmes erreurs. Toute l'énergie que l'on a, essentiellement parce que c'est du bénévolat, toutes ces énergies là, elles sont passées à produire, à faire réellement le projet, à le créer. Alors pas du tout sur la documentation, la médiation, la transmission, l'éducation. Et effectivement, ça c'est un énorme souci qu'on a sur nos initiatives, c'est qu'on n'est pas capable de le transmettre. Alors comment on l'atteint, ça je sais pas trop. Revenir sur ta proposition, ça existe. Le service militaire a été arrêté. Il y a eu le service civique qui sont faits pour les moins de 25 ans qui a été créé, où effectivement les jeunes peuvent aller dans des associations, des organismes, des fondations pour être payés. Alors à la hauteur de son salaire, mais on est payé à la hauteur de la NPE, quoi. Mais il y a la même chose qui a été créée aussi pour les plus de 25 ans. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je l'ai trouvé. Donc on peut, si on a une fondation, un organisme, une association accréditée, il faut être accrédité par l'État comme étant d'utilité publique. Effectivement, on peut arrêter son boulot tout en étant payé et s'investir. Ouais. Je voulais juste revenir sur madame qui disait s'être battue pour un supermarché, enfin une enseigne que vous vouliez pas, machin. Bon, il y a à peine 10 enseignes qui sont coopératives, autogérées en France. Mais ça aussi, c'est des modèles économiques, c'est des modèles d'emploi qui fonctionnent. C'est vrai qu'on se le transmet pas, c'est pas documenté, on sait pas quels ont été leurs chemins. Mais ça existe, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tous les outils. Dans le cadre de l'association, on est parti voir les élus, on est parti voir les militants. Mais en fait, tout ça, ça peut coopérer ensemble. Et de façon que c'est assez dingue, parce que la loi nous le permet, parce que les envies sont là, parce qu'il y a des méthodes... je ne sais pas si je vous parle de modèle économique, de marketing, est-ce que ça vous fait saigner les oreilles? Moi, avant, oui. Et en fait, je m'aperçois que c'est tout à fait compatible dans notre... Tout au début, je retraçais un peu l'histoire en disant que le 19e, c'était le produit l'industrialisation, le 20e, le consumérisme et le mondialisme, et le 21e, pour moi, la collaboration. En fait, on parle d'une société idéale, mais on ne peut pas demander à cette société du 21e siècle On peut pas demander au 20e de changer vers le 21e sans que le 21e, lui, soit conciliant avec le 20e. Notre époque est-ce qu'elle est ? Il y a des problèmes économiques, il faut effectivement faire de l'économie, il faut pouvoir vivre, donc il faut pouvoir s'y adapter, et les lois, les envies sont là, il y a tout à faire, donc voilà, je rabâchais ça. Juste un petit mot, me semble résume tout, je suis très surpris de ne pas avoir entendu le mot solidaire. Est-ce que vous êtes solidaire même avec des gens qui vous ressemblent pas? Il y a eu coopératif. Je voulais dire un mot à propos de l'éducation. Les changements qui sont en cours n'ont pas comme paramètre conceptuel l'éducation. C'est la perception de l'espace tel qu'il est et tel qu'il n'est plus, tel qu'il a été et qu'il est maintenant et qu'il n'est plus. Ça s'appelle du chaos. Donc ce n'est pas, on perçoit, on est dedans, on peut l'habiter, hors l'éducation qu'on a. Et c'est pour ça que Nuit Debout est né. C'est pas un problème d'éducation qui nous a rassemblés sur la place. Juste l'envie d'y être. C'est-à-dire que c'est ce que raconte Didier, c'est une histoire de plaisir et de jeu. Et c'est en même temps compatible avec la connaissance de l'espace contemporain. L'espace, il y a une théorie qui a été reprise par Monsieur Edgar Morin, qui vient de Monsieur Prigogine. Alors on m'engueule toujours quand je cite ces noms. Vous n'avez qu'à acheter les bouquins, démerdez-vous. Prenez connaissance de ce que c'est. On refait dessus, on n'a pas fini, parce que moi j'ai mis 15 ans à savoir ce que c'est. Franchement, je ne sais plus quoi vous dire parce que j'avais quelques idées. J'avais. Quelque part. Ok. J'avais quelques idées tout à l'heure, mais comme la parole ne m'a pas. Du coup, j'ai oublié ce que j'avais à dire, mais bon. En gros, d'après ce que j'avais compris, le débat s'était fixé sur le fait de savoir comment on peut construire une société idéale. Bon, à partir du principe que pour atteindre la Lune, il faut viser une étoile. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir une société idéale, mais il faut quand même au moins avoir un objectif, un but, quoi. Donc, du coup, je pense que En fait, on ne peut pas avoir une société plus ou moins idéale à partir de. Et je pense en fait qu'il faut essayer de s'ouvrir beaucoup plus vers l'extérieur, à partir du principe que un Français ne peut pas. Et que le Français, il n'a jamais été mieux que les autres. Et si on accepte ça, je pense que on peut arriver à une sorte de compromis, qu'à partir du principe, quand on commencera d'étudier mieux. Les autres, ça veut dire pour moi ranger en gros les philosophes, les écrivains. Si on essaye d'analyser mieux ce qu'ils ont dit, et si on passe un peu de côté les philosophes français, les écrivains, et ce n'est que par la suite qu'on les mettra, qu'on analysera un petit peu ce qu'ils disent par rapport aux philosophes étrangers, les Allemands, par exemple. Moi, je pourrais vous parler de ce qu'ils ont dit à travers des siècles. J'aime bien, par exemple, Dostoïevski. Je viens de relire une troisième fois, si vous voulez, Le Crime et Châtiment. Il y en a d'autres, si vous voulez. Et à propos de Dostoïevski, quand il est venu sur Paris à deux reprises, À chaque fois, il écrivait un roman, d'accord ? Et c'était comme une sorte de réponse, aussi une sorte de réplique aux questions qu'on lui posait quand il est rentré en Russie, d'accord ? La première fois, il avait écrit un roman qu'on appelait Le Bourgeois du Paris. Si vous avez entendu parler de ce roman-là, il y a des choses très, très, très intéressantes où il analyse un peu les relations entre Français dans une société. Croyez-moi, ce roman, il est d'actualité dans la société d'aujourd'hui, même s'il avait été écrit, s'il l'a écrit il y a 160 ans. Le deuxième roman qu'il avait écrit à l'issue de Paris, on appelle ce roman le joueur. Le joueur, si ça vous dit quelque chose. Là, il analyse vraiment ce que ça veut dire en français. Et c'est pas pour critiquer, hein. Je constate. Okay. Et il a dit plein de choses. Donc, moi, j'ai pas vraiment envie de me concentrer sur ces phrases qu'il a dit mot à mot, mais ce que j'ai à dire en fait, c'est que quand je vous écoute en fait, ça me crée une sorte d'impression qui est que comme quoi, voilà, nous on est français, nous et ça, comment dire, ça me crée cette impression que les autres sachent rien, c'est nous qu'on peut les apprendre, il n'y a que nous, il n'y a que nous, il n'y a que nous. Et puis, si vous voulez dire la haine un peu sur la façon d'être du français, vous comprenez, de la part des étrangers, et que, c'est ça en fait qui les rejette, vous comprenez ça, c'est juste la façon d'être. Après, si je pense vraiment que si les Français ils réussissent à intégrer et à entendre mieux les étrangers, je pense vraiment que c'est les étrangers qui pourront plus les apprendre. Le fait de dire oui, ça ne dit rien du tout, croyez-moi. Hein. C'est le fait d'agir. Vous comprenez ça? D'être un peu... vous voyez là... Il y a aussi les choses là qui ont été inventées par le droit et tout, la démocratie, tout ça on connaît, la tolérance, d'accord. Mais juste le fait d'être, d'accord, c'est ça qui m'intéresse, juste le fait d'être, parce que quand, croyez-moi, moi j'en ai eu des débats hein, avec des Français, et j'ai rien contre, j'ai pas la pique contre les Français. Moi j'aime la France autant que vous, peut-être même plus. Par contre, obligé d'aimer tous les Français. Du coup, je me permets de dire mon avis. D'accord ? Donc, pour en finir, j'aurais bien aimé me répéter. Il faut essayer à écouter les autres. Et les autres, pour moi, c'est les étrangers. À tous les niveaux, voir les philos, les philosophes. Et puis comment ces idées se concrétisent au niveau du droit, d'accord? Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci. Je vais en profiter pour prendre juste la parole un peu quand même, de nouveau. En fait, moi, pour résumer, j'irais une pensée, j'ai en fait dans le... C'est qu'il serait temps d'apprendre en fait à écouter l'autre, je pense. L'écoute de l'autre est importante. Et peut-être aussi de voyager dans tous les autres pays pour voir vraiment dans le pays quelles sont leurs coutumes réelles, toutes leurs coutumes, toutes leurs façons de vivre, leurs façons. Et je pense que voilà, voyager, c'est le meilleur moyen d'apprendre sur les autres et sur les autres populations. Et je pense que le fait d'apprendre, voilà, de faire ça, plus de respecter les gens, d'écouter ce qu'ils ont à dire et de savoir c'est un autre que soi-même, je pense que ça peut aider. Maintenant, je vais laisser la parole aux autres. Attends. Je, voulais juste rebondir sur le fait que on n'écoute pas les étrangers. Là, aujourd'hui, c'est ouvert pour tous. Tout le monde peut venir pour venir discuter. Je vois pas qu'il n'y a pas un panneau interdit aux étrangers, juste pour là. Et pour tout ce qui est association, etc., c'est très mélangé, même si je dois avouer que souvent, c'est pas assez mélangé aussi. Et effectivement, il faut s'ouvrir aux autres et lire des auteurs autres que français. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Un petit truc, c'est que au niveau de l'intitulé, il y a, je sais pas si vous connaissez. Non, c'est pas là-dessus. C'est, je sais pas si vous connaissez. Merde, j'aime pas trop parler au micro en fait. Élu. Pardon. Oui. Je sais pas si vous connaissez Parlement et Citoyens. C'est une plateforme en fait qui met en relation ces élus et citoyens, excusez-moi, et qui mettent en relation des idées. Et en fait, ils font un peu le tri de tout ça et ils essayent de faire remonter ces idées-là des parlementaires. Donc voilà. Donc il y a des plateformes qui existent comme ça, qui peuvent être intéressantes. Par exemple, là, quand il y a des commissions, il y a des trucs qui ressortent, on peut très bien être là. Je vais retrouver exactement les coordonnées. Voilà. Mais ça peut être intéressant, je pense, que suite à des commissions, faire part des idées dans ce genre de plateforme qui existe déjà, ça peut monter les informations. Voilà. Excusez-moi. Attends, il y a son avant. C'était toi qui veux parler. Ah, il y a Pierre, mais je crois qu'il y avait toi avant. Non, moi, je n'ai pas demandé. Non, ça après, j'avais vu demain, là. Ouais, c'est juste un mot. En fait, ça fait presque une heure qu'on est là. On n'a pas encore défini quelle société voulons-nous. Quelle sera la nature ou la définition de la société idéale, au fait. En fait, d'une certaine manière ou de toutes les manières, elle est indéfinissable. Pourquoi? Parce qu'on a été pris tous au piège, au fait. On ne peut penser à la société idéale qu'à partir du local, pas à partir du général. On a été pris au piège deuxièmement parce que on a vu très grand, mais pas très gros, pas gros. Ça veut dire quoi? Si on peut la définir, on peut la définir qu'en termes de territoire. Une société idéale, la société que vous avez décrite tout à l'heure, à la limite, je peux l'appliquer dans mon syndic. Dans mon syndic, ça fait 19 ans que je milite pour ne pas avoir d'ascenseur, parce que ça coûte très très cher, et puis c'est pas du tout écologique. Mais parce que localement, on se bat comme ça, au fait. Ça, c'est la première chose. Une des caractéristiques de la société idéale, puisque je reprends à mon compte ce mot, c'est avant tout de se battre pour instaurer ou construire des espaces d'expression illégitimes. Je m'explique. Des espaces d'expression illégitimes qui, d'une certaine manière, est une sorte d'opposition à des médias qui sont connus, communément connus, ou qui fabriquent une sorte de doxa, une sorte d'opinion communément admise. Dans la société idéale, par exemple, ce qui sera intéressant, par exemple, juste en Île-de-France ou à Paris, est-ce que vous acceptez sur nos fiches de paye, il y aura juste quelques centimes, on va ajouter une ligne sur votre fiche de paye, sur un prélèvement obligatoire pour construire un média citoyen, d'accord? Donc il y aura un collège où il y aura une administration tirée au sort qui va contrôler et qui va fabriquer d'une certaine manière un nouveau canal ou des nouveaux canaux d'expression qui sont nouveaux en fait. Voilà, à mon sens, on ne peut pas parler de société idéale ou de société de cours si on ne l'inscrit pas. Troisième observation en fait, si vous me permettez, je m'arrête là, j'ai trop parlé aujourd'hui, c'est que est-ce que nous avons une radiographie générale des travaux sur ces lieux du lien social, par exemple, ce que monsieur a parlé de Montreuil, ainsi de suite. Est-ce que nous avons un travail, une sorte de radiographie, une vue d'ensemble de ce qui se passe ailleurs pour qu'on puisse voir concrètement comment ça se passe? Monsieur a parlé tout à l'heure des coutumiers, mais faites très attention. Si je vous raconte le droit coutumier en Kabylie, par exemple, le droit coutumier en Kabylie, il y a des... Par contre, si vous vous baladez un article dans ce droit coutumier, si vous vous baladez avec un short sur la place du village, eh ben vous allez avoir une amende. D'accord ? Donc, faites, mais vraiment, c'est très très intéressant ce que vous dites, mais essayez concrètement comment ça se passe localement. Oui, la perception de l'espace contemporain, il passe par le local, parce que c'est l'expérience personnelle qui compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rejoindre le globe. Mais pour ce qui est du local global, il y a un penseur que je cite toujours, mais monsieur qui est russe, qui vient d'intervenir, il n'a pas entendu qu'on parle de Prigogine depuis un an et demi. Prigogine était sibérien, donc russe. Vous avez jamais entendu parler ? C'est le moment. Un petit mot aussi pour dire que Spinoza est apparu très très fréquemment dans des discussions françaises. Bon, c'est allemand, l'Allemagne c'est juste. Je suis quand même d'accord avec le monsieur hein, sur son analyse. Ok. Donc je vois plein de gens autour. On est la commission éducation populaire et là on est en train de parler... On est en train de se poser la question de quelle société veut-on. On est en train de réfléchir comment on peut mettre en place ce qu'on a travaillé sur notre société qu'on veut mettre en place. Voilà. Donc là, on va bientôt terminer. Donc c'est prendre les derniers tours de parole. Et n'ayez pas peur de prendre le micro. On ne mange pas, on ne mord pas. Alors, je suis désolé d'intervenir vers la fin pour poser des questions, il y a eu des mouvements d'instituer des sociétés idéales, je pense aux anarchistes fin du 19e siècle, il y a eu mai 68, d'autres mouvements au cours de l'histoire. Est-ce que vous avez des causes, des échecs de ces mouvements et pourquoi il n'en reste à peu près rien aujourd'hui? Et une autre question qui est liée, comment est-ce qu'on met en place la société qu'on veut? Est-ce qu'on, c'est du local et du global, est-ce qu'on verrait ça se construire depuis un lieu extérieur à la société, une sorte de table rase, hein, comme les ZAD ou comme éventuellement des organisations originales qui pourraient se construire dans les tiers-lieux dont on parlait, dans les hackerspaces, tout ça. Ou est-ce que c'est une évolution, est-ce que ça passe forcément par une mutation, une réécriture progressive qui existe déjà, c'est-à-dire des lois et tout ce que ça implique de confrontation avec les rapports de force existants dans la société actuelle. Je ne sais pas si mes questions sont claires. Alors, je vais essayer de répondre, peut-être pas de façon très claire non plus, mais sur les mouvements qui se sont faits avant, voilà, par rapport au mouvement qu'il y a eu, certes, on en a parlé un petit peu, ça a été évoqué, atelier, mais après, debout éducation populaire, tout le monde peut intervenir. Donc après, on a eu des interventions déjà sur des choses qui se sont faites avant et des choses qui sont toujours en cours. On a eu cette réflexion aussi, la généralise au niveau de Nuit Debout, parce qu'on a emblématique avec des gens qui avaient fait partie des indignés, avec des gens qui avaient fait partie d'autres mouvements et qui étaient plus malheureusement dans le nous on faisait comme ça et finalement par moments c'était constructif, par d'autres moments un petit peu moins. De la place, la cantine, etc. Ça s'est pas fait tout seul, c'est des gens qui sont venus également avec leur savoir et qui ont un peu amené tout le monde, et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la bienveillance, etc., etc., qui ont appris des gens à monter des bâches, des cordes, et c'est pas des spécialistes. Maître des cordes qui est derrière moi, à Bibliothèque Debout, pourrait vous en parler plus longuement, mais du coup, c'est une question qui nous taraude. On nous dit souvent qu'à Debout Éducation Populaire, on a sûrement le site de Nuit Debout, le formation. On remercie les gens d'ailleurs de tous ces compliments, en tout cas de ces gentils mots. C'est aussi une forme, et cet atelier en fait partie aussi, une forme de partage, en tout cas je l'espère, et on l'a toujours dit, il y aura quelque chose en France, je ne sais pas quand, et on verra bien. J'espère de tout cœur que les gens qui étaient à Nuit Debout seront dans ce mouvement-là et qu'il y aura peut-être un autre nom, et peu importe le nom d'ailleurs, et qui apporteront leur savoir, leur expérience comme on le fait depuis un an, puisqu'on a aidé un certain nombre de mouvements, on aide sur beaucoup de luttes, et parce que sans le savoir, on a appris plein de choses, et c'est, voilà, en tout cas, on s'est fait de l'auto-éducation populaire. Après, j'ai oublié les deux autres questions, par contre, je suis désolé. C'était quoi ? Donc là, on va prendre les derniers tours de parole pour cette chose-là, et après, on va passer au reste de la journée. Oui, un petit point 108, par exemple, qui a échoué dans l'esprit de certains et n'a pas échoué dans l'esprit d'autres, selon les coutumes, c'est le capitalisme. Le capitalisme a récupéré Woodstock, toute la génération qui a voulu lutter justement contre ce capitalisme a été récupérée par les modèles financiers du capitalisme, surtout par l'idéologie en fait. C'est l'idéologie qui a réussi à récupérer ces mouvements de contestation ou de liberté et à les traduire en langue capitaliste, donc à les pervertir. Un rare mouvement qui n'a pas été perverti, c'est le mouvement punk. Mouvement punk de liberté. Aujourd'hui, on voit encore des punks qui sont punks, qui sont dans la rue, qui continuent à garder cette espèce d'idéal destroy. Il y a eu des tentatives de récupération, mais très bien qu'elles ont échoué. Aujourd'hui encore, il y a des mouvements punk qui... donc ça passe surtout par la musique, effectivement, mais comme Guérilla Poubelle. Franchement, Guérilla Poubelle, c'est pas un mouvement capitaliste. Faut pas délirer, c'est un groupe troll. Ils sont anards, ils sont complets. Complets. Donc ça prouve que Nuit Debout peut éventuellement toucher... Il y a une possibilité, cet anticapitalisme non récupéré. Donc c'est déjà existé, même si c'est rare. Donc on peut imaginer des mouvements de défense. Les syndicats, malheureusement, ont du mal parfois à maintenir l'idéal original. Mais ils continuent quand même à maintenir quelque chose. Et ça, c'est déjà une force. On peut réussir à lutter contre le capitalisme, l'idéologie. En tout cas, moi, j'y crois. Voilà. Non, mais je voulais simplement émettre un sentiment par rapport à l'objet de la discussion sur comment on met en place nos propositions, parce que ça nous met un peu dans l'idée qu'on serait en quelque sorte des législateurs citoyens qui, après une longue année de discussion, un peu comme une sorte de construction d'une constituante avec des nouveaux principes, des nouvelles lois, maintenant pour savoir comment concrètement faire appliquer les lois que nous avons ensemble, je vais pas dire voter parce qu'il n'y a pas eu de vote, mais comment les appliquer dans le monde réel. Et donc là, ça pose du coup la question de notre identité. Est-ce qu'on est finalement une sorte d'intanique ou collectif qui produit des idées et qui ensuite ces idées vont être reprises par des acteurs politiques qui vont les intégrer les idées citoyennes dans leur programme politique pour ensuite les transformer dans le monde réel, ou est-ce que c'est à nous directement en législateur ou en homme de loi et de faire appliquer nos idées? Je crois que voilà, c'est une question que je posais au débat. Est-ce que c'est à nous finalement de mettre en place nos propositions, ou est-ce que c'est finalement à d'autres peut-être qui ont plus l'identité de le faire? Alors, j'excuse pour tous les autres, mais là on va s'arrêter sur la chose. Attends, Pierre, je vais faire ma conclusion et on va. Donc là, on vous rappelle, on était sur l'atelier Quelle société veut-on ? Donc là-dessus, on a fait nous un travail depuis un an sur des thèmes particuliers, et aujourd'hui on réfléchit à ce qu'on a dit en un an, comment on peut les appliquer dans la vie réelle, dans notre société, par quel moyen les appliquer. Donc cette phase-là, on va la continuer encore pendant des mois et des mois, donc on vous invite à revenir tous les dimanches nous voir pour qu'on puisse discuter avec vous pour savoir comment on peut les appliquer. On va s'arrêter, on vous remercie d'être resté. On vous invite à rester encore, puisque on va avoir une intervention qui va passer après sur le handicap. Donc voilà, donc on vous invite à rester jusqu'à... On va avoir après une heure d'intervention, peut-être un peu plus. Donc voilà.